Alors par où commencer, je sais plus quoi dire, plus quoi penser. Comme MJ avait renoncé, je croyais tout ça insensé. Mais comme un ange tombé du ciel, ta silhouette m'est apparue. C'était bizarre, si différent de tout ce que j'avais connu. C'est marrant, quelquefois, comme le destin un peu frappé. Jamais je pensais t'écrire un jour les mots que je suis en train de te rappeler. J'ai tellement de choses à dire, mais j'ai du mal à les gratter. Paradoxal, mais mon amour ne parvient pas à s'exprimer. Toi et moi, ça s'est vite fait, quelques regards, quelques mots. Puis le charme a opéré, tu m'as de suite rendu accro. Cette fois, je n'ai pas à me planter, je dois tout faire pour me sublimer. Car les jours passent, moi défile et je prends conscience du verbe aimer. Tu m'as sorti de mon impasse, perforé ma carapace. Mon rêve c'est toi, moi, nos enfants, dans une villa à Caracas. T'écris sur des pétales de rose, j'ai pas trouvé meilleur support. Cette musique je te la devais depuis le temps que tu me supportes. Le temps défile, défile, je vieillir à tes côtés. Crois-moi c'est toi, j'en suis certain, j'ai mis les autres de côté. Quand l'amour frappe à ta porte, tu te dois de me faire entrer. Peu importe les conséquences, depuis que t'es là, je me laisse aimer. Le temps défile, défile, je vieillir à tes côtés. Crois-moi c'est toi, j'en suis certain, j'ai mis les autres de côté. Quand l'amour frappe à ta porte, tu te dois de le faire entrer. Peu importe les conséquences, depuis que t'es là, je me laisse aimer. Je vais passer pour un canard, mais ça c'est le dernier de mes soucis. J'en avais marre de faire le connard, ça m'aurait conduit au suicide. Parcours amoureux chaotique, mes ex étaient des chimères. J'ai trop insulté Cupidon, mais depuis je lui dis cimère. Je suis qu'un homme, l'un d'être parfait, t'as su accepter mes défauts. Pour toi mes sentiments sont vrais, t'as ma parole, ce n'est pas des faux. Quand je me perds dans tes yeux, c'est là que je me dis que je suis un chanceux. Que malgré toutes mes faiblesses, je me sens plus fort puis qu'on est deux. Quand moi je suis pas qu'un beau parleur, je te rappe ça sans pèse mes cœurs. J'ai mis de la franchise dans mes vers, ça fait partie de mes valeurs, putain c'est vrai ce qu'on dit. Je vois bien que l'amour m'a aveuglé, tes défauts deviennent des qualités. Ma raison s'est fait étrangler, t'as mis un terme à mes cauchemars. Désormais je suis plus tout seul, je ne fuirai pas ton répertoire. Sauf si je pense que tu te fous ma gueule, tu sais je regrette nos désaccords. Mais je déteste faire les lovers, j'ai mis de côté mon rap hardcore pour que tu vois que j'ai un cœur. Le temps défile, défile, je vieillir à tes côtés. Crois-moi c'est toi, j'en suis certain, j'ai mis les autres de côté. Quand l'amour frappe à ta porte, tu te dois de le faire entrer. Peu importe les conséquences, depuis que t'es là je me laisse aimer. Le temps défile, défile, je vieillir à tes côtés. Crois-moi c'est toi, j'en suis certain, j'ai mis les autres de côté. Quand l'amour frappe à ta porte, tu te dois de le faire entrer. Peu importe les conséquences, depuis que t'es là, je me laisse aimer. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais qu'est-ce qui te pousse à t'accrocher? Tu mérites mieux qu'un gars fauché, la lune je peux pas te la décrocher. Bien sûr que l'argent fait le bonheur, sans rallye, on va nulle part. Comment te payer une vie de rêve avec mon salaire de smicard? Je suis qu'un sale con, ne m'en veux pas. Y'a eu des hauts, y'a eu des bas, mais au fond de moi, je pense qu'il y a que toi qui mériterais ma bague au doigt. Laisse-moi te conduire à l'hôtel et fusionne ton destin au mien. Pour le meilleur et pour le pire, on va tout faire pour faire ça bien. Pas doué pour le romantisme, j'ai demandé conseil à ma plume. Mis de côté mon égoïsme et rompu avec mes coutumes. Des fois je t'avoue que je pète les plombs, j'ai de la pression sur les épaules. Metteur en scène de notre avenir, te rendre heureuse mon plus beau rôle. Tu sais c'est le dernier son d'amour que je compte faire pour une femme. Normalement je deviendrai ton ex quand reposera en paix mon âme. Je te gratte l'un de mes plus beaux poèmes sur le charme du métronome. Car dira sa belle je t'aime, c'est ça qui prouve que t'es un homme. Le temps défile, défile, je vieillir à tes côtés. Crois-moi c'est toi, j'en suis certain, j'ai mis les autres de côté. Quand l'amour frappe à ta porte, tu te dois de le faire entrer. Peu importe les conséquences, depuis que t'es là, je me laisse aimer. Le temps défile, défile, je vieillir à tes côtés. Crois-moi c'est toi, j'en suis certain, j'ai mis les autres de côté. Quand l'amour frappe à ta porte, tu te dois de le faire entrer. Peu importe les conséquences, depuis que t'es là, je me laisse aimer.